Luc chapitre 5. Or il arriva, comme la foule se jetait toute sur lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Et voyant deux nacelles qui étaient au bord du lac, et dont les pêcheurs étaient descendus, et lavaient leurs filets, il monta dans l'une de ces nacelles, qui était à Simon. Et il le pria de la mener un peu loin de terre, puis s'étant assis, il enseignait les troupes de dessus la nacelle. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Mène en pleine eau, et lâchez vos filets pour pêcher. » Et Simon répondant, lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n'avons rien pris, toutefois à ta parole je lâcherai les filets. » Ce qu'ayant fait, ils enfermèrent une si grande quantité de poissons, que leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre nacelle, de venir les aider, et étant venus, ils remplirent les deux nacelles, tellement qu'elles s'enfonçaient. Et quand Simon Pierre eut vu cela, il se jeta aux genoux de Jésus, en lui disant, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Parce que la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poissons qu'il venait de faire, de même que Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie point de peur, dorénavant tu seras un pêcheur d'hommes vivants. » Et quand ils eurent amené les nacelles à terre, ils quittèrent tout, et le suivirent. Or il arriva que comme il était dans une des villes de ce pays-là, voici, un homme plein de lèpre, voyant Jésus, se jeta en terre sur sa face, et le pria, disant, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. » Et Jésus étendit la main, et le toucha, en disant, « Je le veux, sois net. » Et incontinent la lèpre le quitta. Et il lui commanda de ne le dire à personne. Mais va, lui dit-il, et te montre au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a commandé, pour leur servir de témoignage. Et sa renommée se répandait de plus en plus, tellement que de grandes troupes s'assemblaient pour l'entendre, et pour être guéries par lui de leur maladie. Mais il se tenait retiré dans les déserts, et priait. Or il arriva, un jour qu'il enseignait, que des pharisiens et des docteurs de la loi, qui étaient venus de toutes les bourgades de Galilée, et de Judée, et de Jérusalem, étaient là assis, et la puissance du Seigneur était là pour opérer des guérisons. Et voici des hommes qui portaient dans un lit, un homme qui était paralytique, et ils cherchaient le moyen de le porter dans la maison, et de le mettre devant lui. Mais ne trouvant point par quel côté ils pourraient l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur la maison, et le descendirent par les tuiles, avec le petit lit, au milieu, devant Jésus. Qui voyant leur foi, dit au paralytique, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Alors les scribes et les pharisiens, commencèrent à raisonner en eux-mêmes, disant, « Qui est celui-ci qui prononce des blasphèmes? Qui est-ce qui peut pardonner les péchés, que Dieu seul ?» Mais Jésus connaissant leurs pensées, prit la parole, et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Lequel est le plus aisé, ou de dire, « Tes péchés te sont pardonnés, » ou de dire, « Lève-toi, et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Je te dis, lève-toi, charge ton petit lit, et t'en vas en ta maison. » Et à l'instant le paralytique s'étant levé devant eux, chargea le lit où il était couché, et s'en alla en sa maison, glorifiant Dieu. Et ils furent tous saisis d'étonnement, et ils glorifiaient Dieu, et étant remplis de crainte, ils disaient, « Certainement nous avons vu aujourd'hui des choses qu'on n'eût jamais attendues. » Après cela il sortit, et il vit un péager, nommé Lévi, assis au lieu du péage, et il lui dit, « Suis-moi. » Lequel abandonnant tout, se leva, et le suivit. Et Lévi fit un grand festin dans sa maison, où il y avait une grosse assemblée de péagers, et d'autres gens qui étaient avec eux à table. Et les scribes de ce lieu-là, et les pharisiens, murmuraient contre ses disciples, en disant, « Pourquoi est-ce que vous mangez et que vous buvez avec des péagers et des gens de mauvaise vie ?» Mais Jésus prenant la parole, leur dit, « Ceux qui sont en santé, n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis point venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Ils lui dirent aussi, « Pourquoi est-ce que les disciples de Jean jeûnent souvent, et font des prières, pareillement aussi ceux des pharisiens, mais les tiens mangent et boivent ?» Et il leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux, pendant que l'époux est avec eux, mais les jours viendront que l'époux leur sera ôté, alors ils jeûneront en ces jours-là. Puis il leur dit cette similitude, personne ne met une pièce d'un vêtement neuf à un vieux vêtement, autrement le neuf déchire le vieux, et la pièce du neuf ne se rapporte point au vieux. Pareillement, personne ne met le vin nouveau dans de vieux vaisseaux, autrement le vin nouveau rompra les vaisseaux, et se répandra, et les vaisseaux seront perdus. Mais le vin nouveau doit être mis dans des vaisseaux neufs, et ainsi ils se conservent l'un et l'autre. Et il n'y a personne qui boive du vieux, qui veuille aussitôt du nouveau, car il dit, le vieux est meilleur.